Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wallah amma ba'd. On continue la lecture de cette risala. Et dans le dernier cours, on avait commencé un fasl, un chapitre très important sur huquq walil amr, huquq al-hakim, donc les droits du gouverneur. Et on avait lu le premier point, al-bay'a. Et c'est une obligation de lui prêter allégeance, si on avait cité quelqu'un des tailles, walillahi alhamd. Qala rahimahullah, thaniyan, le deuxième droit, as-sam'u wa at-ta'a lahu fi ghayri ma'siyatillahi ta'ala. Donc ça, c'est min a'zam huquq al-wali. On doit écouter et obéir tant qu'il ne nous appelle pas à faire une ma'siya, un péché. Qala hadha al-haq ajma'a alayhi أهل السنة والجماعة وأودعوه في كتب العقائد التي يربون بها الناس صغارا وكبارا ذكرانا وإناثا وهو حق لم يترك الشاعر استنباطه للناس. هذا في هذا يا une إشارة طيبة أن l'ignorance qui est propagée في هذا الباب est concernant les gouverneurs. أن كثيرا من الناس ils ne connaissent pas les textes, ils ne connaissent pas la voix des compagnons radiyallahu anhum sur concernant ce point et l'obéissance au gouverneur, c'est dû à un manque fi hada. Qala wa awda'u fi kutub al-aqaid. C'est pour ça que tu trouves même un kitab fi al-aqida. Mukhtasaran kana ou muwassa'an, tu trouveras un chapitre fi ma yata'allaq bi wali al-amr. Et ntabihu anna al-mas'ala fiha ijma', il n'y a pas de divergence. Tu peux trouver des masaïl fil fiqh et par rapport au madhab que tu étudies ou le livre que tu lis, tu trouveras des divergences. Tel livre, ils vont dire matalan, telle chose, il faut faire tel nombre de fois. D'autres, ils vont dire un autre nombre. Ou telle chose, c'est une sunnah. D'autres, ils diront non. Ou la façon de faire. Mouhim, khilaf fil fiqh, il est ma'rouf. Amma fi hadha al-bab, tu ouvres n'importe quel livre, min kutub al-i'tiqad, on a dit que ce soit résumé ou des livres très vastes, tu trouveras هذا الباب à l'unanimité. Ils disent tous, il faut écouter, obéir, sauf si tu appelles à faire une interdiction. Et tu patientes, comme ça y est, ma'ahada, tu trouves, waqi' al-nas, c'est, كثير من الناس, c'est à l'opposé de هذا. Mathalan, al-ijma', l'unanimité des savants, qu'on doit écouter, obéir, sauf si c'est un péché, même si nous appelons à un péché, on n'obéit pas, bien sûr, à laquelle on ne doit pas se rebeller. On ne doit pas les critiquer. Encore plus en public. On ne doit pas insulter, on ne doit pas appeler à la rébellion. Même si on conseille, ce n'est pas en public, c'est en privé. Aqidat al-sunnah, manhaj al-salaf. L'unanimité dans tous les livres. Et tu trouves, waqi' kathir min al-nas, c'est exactement l'inverse. Ils ne comprennent pas qu'il faut patienter. Ils disent, mais pourquoi lui obéir? Il appelle à telle chose, il a akhiré. Vous connaissez ce fikr qui est propagé. Pourquoi? Ça montre quoi, là? Ça montre que kutub al-aqid, kutub al-i'tiqad, les livres des salaf, ils sont beaucoup délaissés, encore plus à notre époque. Falihada, si tu veux le najat, akhil karim, fais attention encore plus fi hada al-bab al-azim, de ne pas tendre l'oreille. On dit même pas écouter. Et là, tu dois écouter les savants de la sunna. Tu dois revenir à la sunna, fi hada al-bab wa fi ghayri. Lakin, fais attention de ne pas tendre l'oreille. Li'anna al-qulub wa'ifa wal-shubah khattafa, comme qala al-imam al-Zahabi, rahimahullah. On a des cœurs faibles, et il y a des choubahs, elles sont très très complexes. Encore plus pour celui qui a un cœur faible. Fahadhar akhil karim. Et via d'albab, l'il-asaf, tout le monde parle. Tu trouves Allah l'ajaiz. Tu trouves des vieilles femmes chez elles, elles critiquent les gouverneurs. Elles regardent les informations, la première chose qu'elles font, elles critiquent les gouverneurs. Tu trouves al-awam, certains ignorants, ils ne connaissent pas grand chose de leur dîn. Robama, il est fait ma'asiyah. Et il regarde une ma'asiyah. Et la première chose qu'il trouve à critiquer, c'est les autorités, le gouverneur. Les jeunes, hommes, femmes, tu trouves, il y a un problème dans un endroit. Kathir Minanas, la première chose qu'ils font, c'est critiquer le gouverneur. Alors que c'est en totale contradiction avec la voix des salafs. Fahdhar. Fais attention, préserve ton cœur. Étudie. Hadel Bab. On vit à une époque. Hatta. Wa'adha. Les gens qui se disent min ahl sunna, Ils se disent salafiens, ils suivent les salafs. Et quand tu l'entends parler dans le domaine des gouverneurs, qu'annahu, il n'a jamais connu madhab al-salaf. Fahdharu. Encore plus à notre époque. À l'époque tazkurun, pour entendre ce genre de kalam, imma c'était, mathalan, al-awam dans les cafés, ou dans certaines assises, un mariage, ou certains au masjid, pour entendre des critiques sur les gouverneurs. Ça s'arrêtait là en général. Al-an, avec les réseaux sociaux, c'est partout. C'est partout. La première chose que certains y propagent, c'est hada, fali hada. Parmi les points pour reconnaître un sunni, min al-bid'i, min al-munharif, c'est hada al-bab. Si tu vois quelqu'un, qui qu'il soit, annahu, il critique le gouverneur en public. On parle d'un gouverneur musulman. Il critique un gouverneur en public. Il appelle à la rébellion. Il ne respecte pas les autorités. Il a un tasahul fi hada, annahu, il a un problème fi aqidati wa manhaji. C'est pour ça que nous, en tant que personne qui espérons suivre la voie des salafs, on essaye de s'améliorer, on veut du bien, on avait décidé de lire hadhihi ar-risala wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Qala rahimahullah wa huwa haqqun lam yatruk ash-shari' istinbatuhu lam yatruk ash-shari' istinbatuhu lin-nas. Ça c'est important, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, ça revient pas aux gens. Bardanas, il parle dans des sujets d'importance énorme. Mais c'est des fondements de notre dîn qu'avec ce qu'il pense. Maintenant, il regarde les infos et la première chose qu'il fait, c'est « Mais c'est à cause de tel roi, c'est à cause de tel gouverneur, ils sont corrompus, ils sont et ils se lâchent. » Ça ne revient pas à toi, ça ne revient pas à moi. On est des musulmans, on a un livre. Le Coran Azim. On est des musulmans, on a un modèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de se comporter de telle façon? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de réagir face à l'injustice d'un gouverneur? Si c'est un fajr, un fasiq, un zalim, comment faire pour le conseiller? Est-ce qu'on peut se rebeller? Dans notre dîn, walillahi alhamd, il y a tout. C'est pour ça que ça ne revient pas aux gens. C'est pour ça que Haoula qui critique les gouverneurs, encore plus les Johal, il y en a certains, ils ont des choubas. Ils vont te citer des Aqwal, ils ont des choubas. Ka al-Hizbiyin wa al-Dhullal. Lakin, si on revient à al-Suvaha, al-Hamqa, annahum, ils ne connaissent pas les textes. Faqat hum ta'atharu bi al-Gharb al-Mujrim. Annahum, ils suivent la tendance. Vu que les kuffars, ils donnent aucun respect en général aux gouverneurs et ils appellent à la rébellion. Et ils n'ont rien d'autre. N'attend aucun argument de leur part. Les arguments, ils sont عند أهل السنة. C'est pour ça que Cheikh Abd Salam, rahmatullah alayhi, chaque fasl, chaque point, il argumente avec des adillah, min al-Qur'an, min al-Sunnah. C'est pour ça que ça ne revient pas. On répète, wa huwa haqqun lam yatruk ash-shari'. Istinbatahu linnas. Istinbatahu, c'est le fait de ressortir des leçons d'un texte. C'est ça l'istinbat. Donc ça, c'est pas pour tout le monde. Abadan. Ça revient aux gens de science en se basant sur le Coran ou le Sunnah. Qala, bel nassa alayhi Allahu l'aziz, al-hakim fi kitabihi al-karim, wa nassa alayhi al-rasoul. المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته حتى لا يبقى مجال للخلاف فيه. Vu l'importance du sujet et le fait de se rebeller contre le gouverneur, ne pas respecter les autorités, appeler à la rébellion, ne pas obéir, ça peut pousser à des conséquences très très graves qu'on a vu avec le printemps arabe, qu'on voit dans certains pays jusqu'à aujourd'hui. Donc là, chaque année, la solution, elle est dans la révélation, Al-Qur'an ou Sunna. Donc en tant que musulman, ça arrive, Madalan Wahid, il n'a pas compris. Il a du mal à comprendre. Je ne sais pas comment me comporter face au gouverneur. En tant que musulman, tu dois revenir au texte. Fata'ammal Madalan, qawluhu, le premier point qu'il a cité pour argumenter donc le deuxième droit du gouverneur. Le fait de lui obéir et écouter, sauf dans le péché. Qala, rahimahullah, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu. Ati'u Allah wa ati'u al-Rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Dans ce verset, le fondement il est cité, parmi les fondements de Ahl al-Sunnah, c'est obéir au gouverneur dans l'obéissance d'Allah. Si on diverge, on peut prendre cet exemple concernant l'obéissance au gouverneur. Si on diverge, t'as pas forcément raison, j'ai pas forcément raison. Celui qui a raison, c'est celui qui revient au Coran et à la Sunna. فَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلْ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهُ وَالرَّسُولُ. C'est pas le grand nombre qui a forcément raison. C'est pas le plus vieux qui a forcément raison. C'est pas celui qui parle le plus qui a forcément raison. Celui qui a raison, c'est celui qui a كَلَامُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ avec lui, qui a sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec lui. Et ça, c'est une صفات المؤمنين. فَلِهَذَا قَالَ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ثُمَّ قَالَ وَهُمْ الْوُلَاءُ والأمراء ذهب إلى ذلك جماهير السلف والخلف من المحدثين والمفسرين والفقهاء وغيرهم. أي قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أي خطاب للمؤمنين، أمر ضبيع الله، وأطيعوا الرسول أبيه ومساجي صلى الله عليه وسلم. هنا سكلا وأولي الأمر منكم، منكم سأخصيص بيا منكم، أي من المؤمنين، لأن الله الذي يا أيها الذين آمنوا أو فوكي كرويت obéissez à Allah, obéissez au messager, et à Oulil Amr minkum, d'entre vous, parmi vous, et les croyants. Donc c'est qui Oulil Amr? Huna, il a rajahana sahih, c'est que c'est les gouverneurs. Oulashak. Et certains savants, ils disent c'est les gouverneurs et les savants. قال وهذا الامر بطاعه ولي الامر مقيد بعدم الطاعه في الامر بالمعصيه لله تعالى. Bien sûr. هذا لا شك فيه. على كل حال, qu'on dise que le verset, c'est que les savants, ou c'est les, que les gouverneurs plutôt. Ou c'est les gouverneurs et les savants. Dans tous les cas, les gouverneurs, ils sont bien visés dans ce sens. Walil Amr, c'est bien les gouverneurs. Dans tous les cas. Est-ce que ça fait rentrer les savants Amla? Enfin, il y a un khilaf ma'rouf inda ahl ilm. Cheikh Saadi rahimahullah, il a fait une remarque, et on l'a cité kathiran dans les livres de Aqida qu'on a étudiés ensemble. Qala, le tafsir donc du verset, وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرْ فِي حَذْفِ الْفِعْلِ عِنْدَ الْأَمْرَ بِطَاعَتِهِمْ وَذِكْرِهِ مَعَ طَاعَةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَإِنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَا يَأْمُرْ إِلَّا بِطَاعَةِ اللَّهِ. Vous avez remarqué que dans le texte, dans le verset, قَالَ عَزَّ وَجَلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهِ. Il y a un fi'l, il y a un verbe. أَطِيعُوا, أي obéissez. C'est un ordre. Le premier cas, l'obéissance d'Allah, il y a bien le fi'l, ati'u Allah. Obéissez à Allah, c'est clair. Le deuxième cas, wa ati'u Rasul. Kadhalik, obéir au messager. Donc, vous avez remarqué, on a deux fois le verbe ati'u, ati'u Allah, obéissez à Allah. Ati'u Rasul, obéissez au messager. Wa ulil amr, vous avez remarqué que pour ulil amr, pour les gouverneurs, Allah, il n'a pas dit wa ati'u, il n'a pas dit obéissez. Pourquoi? On répète, ya ayyuha alladhina amanu atti'u Allah wa atti'u ar-rasul wa ulil amr. Allah il a pas dit atti'u Allah wa atti'u ar-rasul wa atti'u ulil amr. Vous avez remarqué que le fi'l n'a pas été répété. On a pourquoi? Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah. Fa inna ar-rasul la ya'mur illa bi ta'ati Allah. Vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne que l'obéissance d'Allah azza wa jall, fa Allah il a dit wa ati'u ar-rasul. Ay vous devez obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les cas. Limadal, yana le prophète sallallahu alayhi wa sallam il appelle combien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est infaillible. Il ne peut pas appeler à une erreur abadan. Tout ce qu'il a montré alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans le din, c'est la vérité et c'est la révélation. Wa dalil qawluhu azza wa jall wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une révélation. Ce qu'il disait c'est une révélation et sa sunna. Donc on doit le suivre mutlaqan dans tout. عليه الصلاة والسلام. ثم قال ومن يطيعه فقد أطاع الله. نعم. celui qui obéit au prophète صلى الله عليه وسلم il obéit à Allah عز وجل. كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال وأما أولو الأمر. si on revient à la troisième catégorie les gouverneurs. قال وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية. vu que le gouverneur il peut appeler à du bien, il peut ordonner du bien, il peut ordonner du mal. il n'est pas infaillible. donc Allah, il n'a pas dit « wa ati'u ulil amr ». Limadha liyana, l'obéissance au gouverneur, elle revient à l'obéissance d'Allah et du messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres mots, si le gouverneur, il appelle à l'obéissance d'Allah, à l'obéissance du messager, on le suit. Si il appelle à la désobéissance d'Allah, ou à la désobéissance du messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas à le suivre. Est-ce que ça implique qu'on l'insulte, qu'on le critique en public, encore plus grave qu'on se rebelle, ça y est, et en aucun cas ça implique hada. On doit faire par étapes. La première étape, c'est qu'on n'a pas à lui obéir si il nous appelle à désobéir à Allah Azza wa Jal. On continue. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله قال الإمام حرب الكرماني رحمه الله في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. هذه هي الرسالة الطيبة, رسالة حرب الكرماني. C'est une رسالة très très courte, quelques pages, une cinquantaine de pages. Et هذا الإمام حرب الكرماني l'a rapporté la voix des salafs, que les choses unanimes. On n'a pas le droit de délaisser leur voix. أبداً في هذا. S'il y a une divergence entre salafs dans un point, on doit étudier la divergence et revenir à la preuve. أما هنا, il n'y a pas de divergence. C'est fondé sur le verset précédent et كذلك sur d'autres dalils à venir, inshallah. Elle a rapporté l'unanimité des salafs. Anna le gouverneur, on ne lui obéit pas s'il appelle à une désobéissance. لكن قال وليس لك أن تخرج عليه. لكن ça veut pas dire que tu as le droit de te rebeller là. Tu lui obéis pas dans cette chose interdite et tu lui obéis dans le reste. قال ولا تمنعه حقه. Tu n'as pas le droit de lui retirer ce droit. C'est quoi le droit prêté à l'allégeance, le premier? Le deuxième, lui obéir. Donc tu lui obéis pas dans ce point, لكن dans le reste tu lui obéis et surtout t'appelles pas à la rébellion. هذا c'est ibn ijma'. On n'a pas lu d'autres ijma'at. نعم, il a rapporté l'ijma', donc harb, on vient de le lire. On revient au asl, page 68, al-fasl al-rabi', et le livre Mu'amalat al-hukam fi dhaw al-kitab wa sunnah. Et il a cité donc dans le quatrième chapitre ce point, et ce droit, le fait d'obéir au gouverneur. Et il a rapporté l'ijma' de Harb al-Karmani. Ça c'est une faïda. Si tu veux un ijma', l'unanimité des salafs dans un point dans l'aqida, reviens à cette risale. Et il a cité une autre parole, on l'a lit de Harb. قال والإنقياد لمن قال حرب رحمه الله والإنقياد لمن والله الله أمركم لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بالسيف. Tout ça, c'est l'unanimité des salafs. L'unanimité, c'est une hujja, c'est une preuve. On n'a pas le droit de délaisser l'unanimité. Abadan. Donc, والانقياد لمن والله الله أمركم. Donc, obéir à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis comme gouverneur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé qu'un tel soit gouverneur. Enfin, on doit obéir. قال لا تنزع يدا من طاعته, tu n'as pas le droit de désobéir, ولا تخرج عليه بالسيف, tu n'as pas le droit de te rebeller avec les armes. قال حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ce gouverneur est injuste, et il peut être injuste, tu n'as pas le droit de te rebeller, d'insulter, de critiquer en public. Patiente jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne une issue. قال ولا تخرج على السلطان, tu n'as pas le droit de te rebeller contre le gouverneur. C'est une obligation. Tu écoutes et tu obéis. Tu n'as pas le droit d'annuler ton pacte d'allégeance que tu as fait. C'est pour ça que c'est un asl. Les ulama yubaddi'un bisabab mukhalafat hada al-asl. La sunna, il y a des fondements. Parmi les fondements de la sunna, il vient de le citer. Obéir au gouverneur, etc. Celui qui appelle à autre que cela, يعلمون أنه سامنحرف مبتدع حال الإخوان والخوارج والتكفيريين. On peut ajouter un ijma qui n'a pas cité Cheikh Abd al-Salam. نقله ابن بطال رحمه الله كما في الفتح. On a déjà cité un al-Hafiz ibn Hajar, il rapporte beaucoup de ibn Battal لأنه il a un شرح على البخاري كذلك. فقال أي ابن بطال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حصن أو من نعم حقن الدماء, نعم من حقن الدماء ونعم كانه نعم تسكين تكسير, نعم الكلمة اللي واضحة الدهماء. دونك الإجماع الإجماع الحكمة اللي ظاهرة pour préserver l'unité, pour ne pas que le sang y coule. Les musulmans, ils se font du mal entre eux. Donc, obéir au gouverneur. كذلك Et bien sûr, Al-Hafid, il a rapporté ce ijma', c'est qu'il l'accepte. Donc on a Ibn Battal, on a Al-Hafid qui l'a rapporté, Ibn Hajar. كذلك النووي رحمه الله قال وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. L'unanimité des musulmans que c'est interdit de se rebeller contre un gouverneur musulman. Encore plus avec les armes. قال وإن كانوا فسقا, même si c'est des injustes, même si ils font des péchés, tant que c'est un musulman, on n'a pas le droit de se rebeller. قال وإن كانوا فسقا ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. L'unanimité de أهل السنة أنك tu n'as pas le droit de te rebeller contre le sultan même si c'est un fasiq. أما الخوارج بل جميع الضلال ils appellent à la rébellion. كما قال أيوب أن من أحدث في دين الله فاستحل السيف. Celui qui innove dans la religion, automatiquement, il stahal le safe. Il autorisera la rébellion contre le gouverneur. Et on le voit tous les jours avec Ahlul Bida'a. Bi asnafihim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yakfina sharrahum. Donc, le ijma' de An-Nawawi de Sharh Muslim. Kadalik Al-Muzani l'a rapporté. Kadalik Ibn Taymiyyah la'allahu l'a rapporté dans plusieurs endroits. Falhamdulillah. Qala, on revient à la Risala. On avait fini كلام حرب. قال انتهى وسيأتي دليله. Il va citer des أدلة على ذلك. قال أما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. Et concernant le deuxième droit, l'obéissance au gouverneur, concernant les أحاديث. قال فقد بلغت حد التواتر. نعم, énormément de أحاديث. Dans صحيح البخاري, dans صحيح مسلم. قال أو كادت أن تبلغه. كما أفاد ذلك صدر الدين السلمي في رسالته طاعة السلطان منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا السمع ولا الطاعة. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. حديث الإكلاغ. سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا الباب وفي غيره. على المرء المسلم. Ça concerne tous les musulmans. On est tous concernés. On est des musulmans. ولله الحمد. On n'a pas le droit de se comporter comme on veut avec le gouverneur. On accepte ce qu'on veut, on rejette ce qu'on veut, on critique quand on veut. أبدا. على المرء المسلم. Pour chaque musulman. السمع والطاعة فيما أحب وكره. Dans ce que tu aimes et ce que tu détestes. قال إلا أن يؤمر بمعصية. Sauf si c'est un péché. فإن أمر بمعصية فلا السمع ولا الطاعة. S'il appelle à une معصية, on ne lui obéit pas. قال العلامة المطهر في شرح هذا الحديث يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه. نعم. أو لم يوافقه. Donc قوله فيما أحب وكره. Il y a des choses en tant qu'être humain tu peux aimer, des choses que tu peux détester. On parle pas du din, hein. On parle pas de péché ou non. Là, on parle des choses que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Mettez un tel horaire, mettez un telle règle qui concerne la route, comme on a déjà cité le code de la route, des choses que tu aimes, tu n'aimes pas. À la coulée, si c'est un ordre du gouverneur, ton avis tu le mets de côté et tu écoutes et tu obéis. Après, concernant le dîn, si c'est un péché, فهنا tu obéis pas. قال بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا يجوز فلا تجوز طاعته لكن لا يجوز له محاربة الإمام. C'est ce point que certains ignorants, ils n'ont pas compris ou ils ne veulent pas comprendre. أنك ne pas obéir au gouverneur, s'il appelle à un péché, on a des hadiths clairs. On a l'unanimité des salafs. C'est la vérité. Lakin, ça n'implique pas de critiquer cet imam, de se rebeller contre lui. L'imam, on a cité critiquer, il y en a la rébellion, elle est précédée par des critiques. Al-Khuruj ala wali al-amr, il est ala nou'in. Se rebeller contre le gouverneur, c'est de deux façons, deux manières. C'est bien sûr la rébellion avec les armes, les révolutions, couler le sang, etc. Et en général, cette rébellion, elle est fondée sur la première ou sur l'autre, se rebeller avec la langue. Ils critiquent les gouverneurs, ou ils appuient les critiques. Hatta, les autorités, elles n'ont plus de menzila. Les gens, ils ne respectent plus. Hatta un jour, Obama, ça pousse certains à se rebeller. Fahdar, préserve ta langue. Awalan, écarte-toi de Ahlul Fitan ou Al-Jahl. Qala, rahimahullah, mithalu al-amr bil-ma'asiyah. Là, c'est un exemple, et ça, c'est tayyib. On peut se poser la question, c'est quoi, matalan, ou un exemple, que l'amir, il appelle une ma'asiyah, on ne doit pas lui obéir. Qala, an yu'mar al-mar, bi an yaqtul nafsan bi ghayri haq. Maintenant, les autorités t'ordonnent de faire du mal, de tuer un autre. Il t'a rien fait, il a arrêté. Puis, à tel point, tu n'obéis pas. L'imam, tu n'as pas le droit d'enlever la vie d'un autre en obéissant à un autre. Abadan. Hada, c'est haram. Tu n'obéis pas. Qala, ou yu'mar bi an yura bi ou yashrab al-khamr. Ou, maintenant, les autorités ils t'ordonnent à faire riba. L'usure, pratiquer l'usure. Ou à boire de l'alcool, à acheter de l'alcool, à travailler dans un endroit où il y a de l'alcool. Bah, là, tu refuses. Wallahi alhamd fi bilad al-muslimin. Wallahi, il y a un khir azim. Il y a un khir azim. Dans la plupart des pays musulmans, wallahi alhamd, al-muslimoun, personne, les autorités, personne ne te dira de faire telle chose haram, telle chose haram. Alhamdulillah, l'amr il est wasi. Tu veux le halal, il y a du halal. Celui, iyadam billah, qui veut du haram, il y a du haram. Et ça, c'est. Ça nous montre qu'il reste du khir. Il y a, on ne doit pas faire partie de ceux qui ne reconnaissent pas le khir. Ils ont atteint un niveau, ils comparent Bilal al-Muslimin avec Bilal al-Kufr. C'est une injustice et c'est grave. Et on a comparé les deux Bilal. La première comparaison qui vient dans le cœur, c'est les deux gouverneurs. Comment comparer les deux pays alors que dans Bilal al-Muslimin, les gouverneurs, c'est des musulmans. Et Bilal al-Kufr, les gouverneurs, c'est des kafara, des mujrimoun. Enfin, on n'a pas le droit de comparer. Kadalik, les deux peuples, ce n'est pas les mêmes. Kadalik, les règles, ce n'est pas les mêmes. Enfin, comparer Bilal al-Muslim avec Bilal al-Kufr, c'est minadzulm, c'est de l'injustice. Et c'est de l'ignorance. Qala, fala ta'a lil-imam fi dhalik, wa yusma' wa yuta'a lahu fi ma 'ada al-amr bil-ma'siyah. Donc, dans ce point, on n'obéit pas. On ne boit pas de l'alcool. On ne pratique pas l'usure, etc. Et dans le reste, on obéit. C'est ça la voix du salaf. Fi hadha al-bab. قال حرب on revient au asl il a rapporté al-ijma' on l'a déjà lu نعم وليس لك تخرج عليه ولا تمنع on l'a déjà lu l'ijma' de harb rahimahullah sur هذا il l'a cité cheikh Abd Salam dans la risala ومنها اي من الاحاديث حديث عباده ابن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما اخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ce hadith كذلك c'est un hadith عظيم c'est une base, c'est un fondement في هذا الباب et pour mieux le comprendre on revient au أصل قال الشيخ عبد السلام رحمه الله قوله منشطك مفعل من النشاط أي في حالة نشاطك وكذلك قوله في منشطك ومكرهك أي حالة كراهتك donc النبي صلى الله عليه وسلم nous a ordonné d'obéir au gouverneur قال on répète أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا donc que ça soit une chose que tu aimes, que tu apprécies, ou une chose que tu n'apprécies pas, que tu détestes, il a arrêté, tant que ce n'est pas du haram, tu dois obéir. Ça nous montre que le wali l'amr, il a un haq azim. Ce n'est pas comme les autres. Maintenant, un de tes voisins, il peut te demander ou t'ordonner une chose ou une autre personne, et tu n'aimes pas cette chose, alhamdulillah, tu as le droit de dire non, tu lui montres, mohim. Mais wali l'amr, c'est wali l'amr. On a cité le hikam. Certaines choses pour nous, sahih, c'est pas monasib pour nous. Maintenant, une règle, tu pourrais t'en passer. Lakin, c'est pas tout le monde qui est dans ta situation. Peut-être que cette règle, elle est profitable pour la majorité des autres. Allez, hada le muslim, hada le bab, il doit voir très très loin, ne pas penser qu'à lui. On est une communauté. Beaucoup de gens, ils se font du mal. Hada le bab, les malades, les hommes, ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux. Là, wali l'homme, il gouverne un pays, il a un peuple. 30, 40, 50 millions de bachars. Là, chacun a certaines règles. Peut-être que d'autres, ça va les déranger. D'autres moins. D'autres, c'est bon pour eux. فَعَلَى كُلِّ حَالٍ On écoute et on obéit. Tant que ce n'est pas du haram. قَالَ وَالْمُرَادِ فِي حَالَةِ الرِّضَى والسخط والعسر واليسر والخير والشر, قاله ابن الأثير. Ça veut dire quoi هذا في منشطك ومكرهك؟ Ça veut dire que في الرضا والسخط, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. العسر أو اليسر, la difficulté ou la facilité. الخير والشر, le bien ou le mal, tu lui obéis. Il y a un cas, si ce mal, c'est une mort. Si c'est un péché, في هذا الحال, tu n'obéis pas. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم, vous avez remarqué dans le hadith précédent, il a cité une généralité على المرء السمع والطاعة. Ça, c'est une généralité. Tu obéis dans tout. Thumma al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a cité l'exception. Personne d'autre a le droit de citer une exception. Ça, c'est une règle. Quand tu as un hadith général global, et que d'ailleurs un verset général global, personne n'a le droit de citer une exception sauf Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Wa illa, bah, ça serait grave. Tout le monde peut mettre l'exception qu'il veut. Maintenant, Allah azza wa jalla interdit l'alcool, ou un hadith vient, il dit sauf telle marque. Ça ouvrirait un bête de chur. Qui qu'il soit, il a de la science ou il n'a pas de science. Il s'est trompé ou s'est égaré. Personne n'a le droit de qu'ayer d'un texte âme sauf à Shari'a. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité une exception. On n'obéit pas, fil marsiya. Ça montre que tout le reste, tu obéis. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Contrairement, vous avez remarqué que le système des kafara, qui est fondé sur je ne suis jamais d'accord, la rébellion, toujours être contre les autorités, c'est exactement l'inverse de la voix du prophète, l'imala li anna haoula, ils pensent qu'à eux, al-kafara, ils pensent qu'à leur poche, ils ne patientent pas, ils n'ont pas de dîn pour les recadrer, pour les guider. Amma nahna walillahi alhamd, notre dîn est fondé sur le rahma. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré ses règles, c'est pour le bien de la umma. Ma'ahada, tu trouves كثير من هذه الأمة, ils ont délaissé la voie du prophète صلى الله عليه وسلم, surtout dans ce point concernant les gouverneurs, et ils suivent les ennemis d'Allah سبحانه وتعالى, qui veulent que du mal pour ce musulman et pour la أمة. قال رحمه الله, on est toujours dans l'أصل. قال العلماء كما حق النووي معنى تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه نفوس وغيره مما ليس بمعاصي أو بمعصية, فإن كانت معصية فلا السمع ولا الطاعة. هذا الحمد لله سيكون بخير. قال والأثر, لعلكم ما انتبهتم de ce mot dans le hadith, on le répète. Donc النبي صلى الله عليه وسلم nous a autorisé donc d'obéir dans la facilité, la difficulté, on est d'accord ou pas, في عسرنا ويسرنا, dans la difficulté, dans la facilité. وأثرة علينا, ça veut dire quoi هذا؟ قال والأثر الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم, أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمور بالدنيا ولم يوصلكم حقكم مما عندكم. Ça c'est un point عظيم. Il y a beaucoup de gens, ils sont négligents face à هذا. Pourtant النبي صلى الله عليه وسلم il l'a cité. قوله عليه الصلاة والسلام وأثرة علينا, même si le gouverneur il te prive. Maintenant le pays il a des richesses, hydrocarbures ou c'est l'agriculture ou l'industrie, muhim. Un pays riche musulman, il a beaucoup de khayr, et le gouverneur, il prive une partie de la communauté, il prive un tel, tu n'as pas le droit de désobéir. Fi hadha al-hal, tu obéis et tu patientes. On répète, qala, isma'u wa ati'u wa in ikhtassa al-umra bid-dunya. Même si ce gouverneur et ses proches, ils profitent des richesses de ce pays, et ils te privent, qala, lam yusilukum haqqakum. Et anta, tu ne reçois rien de ces richesses alors que tu as un haq en tant qu'habitant de ce pays. Fi hadha al-hal, tu patientes. Limadha li anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala dhalik. Pourquoi? Pour préserver la umma. Limadha li anna, celui qui mange, qui prend les richesses injustement, il rendra des comptes yawm al-qiyamah. Gouverneur ou autre. Amma anta, en tant que simple musulman, tu n'as pas de responsabilité. Si tu patientes, alhamdoulilah, tu mangeras, tu peux travailler, tu auras de quoi vivre et tu vas préserver la umma de fitna. La révolution du printemps arabe, cette énorme fitna qui a fait du mal dans nombreux pays musulmans, wallahi la base, nahum, ils n'ont pas compris hada et certains ils n'ont pas voulu comprendre hada. Pourquoi ils se sont rebellés? Que ça soit le premier pays ou tous les autres pays qui ont suivi, pourquoi? Les nahum, ils ont accusé le gouverneur de profiter des richesses et eux, ils ne recevaient rien. Si on, sans rentrer dans les détails, c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce qu'ils avaient un peu, ils n'avaient pas, mohim. On qadre que c'est vrai. Est-ce que c'est une cause pour se rebeller? Si on revient à la voie du prophète, ce n'est pas une cause. Belle, c'est une porte de fitna. On revient à l'Al-Waqi'a. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que ça a été un bien? Sahih, dans certains pays, ils se sont rebellés. Pourquoi? Parce que le gaz, il avait augmenté. Le prix du pain, il avait augmenté. Beaucoup de choses primordiales, les aliments nécessaires de base, ils avaient augmenté. Dans certains pays, il n'y avait pas beaucoup de travail. Ils se sont rebellés. Ils ont contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Va voir l'état du pays là. Les prix, ils n'ont pas doublé, ils ont quintuplé. Et il y a mort et attentat et tuerie tous les jours. Wallahi, anna, ceux qui vivent dans ces pays, ils pourraient faire marche arrière et ils reviendraient comme ils étaient auparavant. Donc ça montre que la solution, c'est pas là. Bardenas, ils pensent que la rébellion, les manifestations, ça va leur donner une meilleure vie. Abedan. Fallihada, Cheikhul Islam, rahmatullah alayhi, il a rapporté un même une qawm qu'ils ont fait une rébellion. N'importe quel pays, depuis l'époque, tous ceux qui ont fait des rébellions, qui se sont rebellés contre le gouverneur, ils n'ont jamais amélioré leur situation. Abedan. Abedan, ça emmène qu'au shar, qu'au mal. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, on le répète. On le répète. Ce que certains souverains ne comprennent pas, ça ne veut pas dire que Sunni, il accepte le mal de ce gouverneur. Abedan. Maintenant, si le gouverneur il prie vraiment le peuple, bien sûr que c'est un mal, il rendra des comptes en mal priyama. Là, qui n'en est en tant que musulman, si je peux le conseiller, je le conseille. Si je ne peux pas, je fais dua. Si son cas ne s'arrange pas, je patiente. Et je ne suis pas la cause d'un mal, avec ma langue ou autre. C'est ça, as-salam. C'est ça que certains n'arrivent pas à comprendre. Là, tadounou, nana haoula, ils font quelque chose. C'est, à notre époque, c'est que... qu'avec la langue et le clavier. Ils ne font rien pour la Ummah. Et Kadalik, ce n'est pas eux qui sont en première ligne. C'est les ignorants, Messakin. Qui sont embrigadés par Adel Fikr, ils sont en première ligne et ils se font du mal et ils font du mal aux autres. Marous al-Tekfiriyin. Ils les appellent ulama al-Qa'ada. Ça vient du mot Qu'oud, le fait de s'asseoir. Ils sont assis chez eux et ils poussent les autres au char. Le meilleur exemple, ou un des meilleurs exemples, c'est Al-Munharif al-Dhal al-Ikhwani. رأسه أو من رؤوس الشر في هذا الزمن يوسف بن عبد الله القرضاوي أنه إلى appelé les autres. تذكرون durant le printemps arabe, que ça soit du Qatar, ثم quand il est venu en Égypte, il a appelé les autres à الخروج. Et lui, ses enfants, ils sont في بلاد الكفر, certains en train d'étudier. Et الرجل, il est presque millionnaire. Et il est chez lui, et ses enfants, ils sont à l'abri et il appelle les autres au char. هؤلاء, ils n'ont pas de rahma pour les autres. C'est Al-Hawa. Qala rahimahullah. On revient à la Isala pour essayer de finir ce point. Qala wa minha hadith. On l'a lu. Wa qad rattaba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam thawaban liman iltazama hadha al-amr wa rattaba 'iqaban liman khalafa. C'est ça, كذلك on ne doit pas oublier. En tant que musulman, on aura des comptes à rendre. Le fait d'obéir ou de désobéir, il y aura des conséquences au qiyam. Qala fa fi sunnah ibn Abi 'Asim. بإسناد صحيح نعم الشيخ الألباني لا صحح دون تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. يا أخي الكريم, pense à cette énorme récompense. واحذر من فكر المنحرفين. Non, ils veulent te pousser à te rebeller pour soi-disant avoir une vie meilleure. أولا, on le répète, c'est des menteurs. Les أنهم, eux, ils poussent les autres et eux, ils sont à l'abri. ثانيا, c'est pas une solution. La rébellion contre le gouverneur s'appelle Kumal. L'imad aliana, c'est une contradiction de la voix du prophète alayhi salatu salam, et kadalik, c'est pas une solution. Même aqlan, comment te rebeller contre des autorités? Ils ont le pouvoir, ils ont la force, ils ont. Même si ce pouvoir il tombe, ce gouverneur il tombe, tu trouveras les gens, ils vont s'entretuer pour prendre la place. C'est exactement ce qui se passe, c'est que du mal. Là, qu'est celui qui patiente? Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, adorez Allah. At-tawhid awwalan, fais des efforts dans le tawhid, apprends ton din, adore Allah seul, écarte-toi du shirk, mets en garde contre le shirk. وصلوا خمسكم فيت الصلاة à l'heure pour les hommes في جماعة وصوموا شهركم le quatrième pilier de l'islam الصيام le jeûne كذلك la zakat un des piliers de l'islam وأطيعوا أمراءكم obéissez à vos gouverneurs c'est quoi la récompense tu as pratiqué ton dîn tu obéis à ton gouverneur que ça soit un fasiq ou un fajr. Tant que c'est un musulman, il a un haq, tu lui obéis. Et son mal, il aura des comptes à rendre au Qiyam. La récompense, c'est ta trolo, jannata rabbikum. Et tu rentreras fil jannah. Nas'alullah azza wa jal min fadlihi. Qala wa fi sunnah. أيضا نعم أيضا لابن أبي عاصم بإسناد جيد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله الجيد سأنتخ الحسن والصحيح الحديث يا 3 degrés connus que العلماء ils ont cité الضعيف il est faible le hadith الحسن il est accepté et il est c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم et الصحيح l'authentique et الحسن كذلك c'est authentique lakin c'est un degré plus bas que As-Sahih. Donc ils l'ont appelé Hassan. Thomas, tu as un degré entre le Hassan et le Sahih. Il n'est pas Sahih, avec les conditions de Sahih, et il est au-dessus du Hassan. Ils l'ont appelé Al-Jayyid. Ah, mais tout ça, ça revient à deux catégories. As-Sahih ou Al-Da'if. Et les hadiths qu'on accepte, authentiques, et les hadiths faibles. Lakin As-Sahih, vu qu'il y a plusieurs degrés, ils leur ont donné plusieurs noms. Hassan, et même le Hassan. Il y a le Hassan Ghayri, le Hassan Dhati, il y a plusieurs niveaux. Après, il y a le Jayyid. Un niveau au-dessus et encore un niveau au-dessus, as-sahih. Donc, à la kulihal, le hadith, il est thabit, il est sahih. An Muawiyah, radiyallahu anhu, an Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, قال, Inna al-sami' al-muti' la hujjata alayhi, wa inna al-sami' al-asi la hujjata lah. Wa al-ma'na, anna ladhi yasmi' awamir al-imam, fayuti' la hujjata alayhi yawm al-qiyama. Et c'est ça qu'on doit penser, nous. Celui qui obéit au gouverneur, falhamdulillah, il n'y aura pas de hujja contre lui yawm al-qiyama. Et il a fait ce qu'il avait à faire. Le gouverneur, il a été mauvais, il a fait du mal. Ah, là, j'ai fait ce qu'on m'a ordonné d'obéir. Allah, il m'a ordonné d'obéir, j'ai obéi, alhamdulillah. Et c'est ça l'essentiel. Tu fais ce qu'on t'a ordonné. Lakin, ils se font beaucoup de mal, ils regardent les autres. Ils disent, mais si on le laisse, il va se passer dans tel pays, ils vont faire. Regarde, awwalan toi, Allah, il t'a ordonné d'obéir, obéis. Voir loin, personne nous écoute en tant que simple musulman de la communauté, personne t'écoute. Enfin, adore Allah subhanahu wa ta'ala, obéis, et tu veux être une cause de khayr, fait de là. Tu veux être une cause de bien, apprends ton dîn. La'alla qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève, et tu prends du poids dans la communauté. Pourquoi? Parce que tu as de la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te faciliterait de conseiller ce gouverneur, et non pas mais il t'écoutera. هذا مثل الشوز على بلاص قال لأنه أدم عليه وأن الذي يسمع أوامر الإمام فلا يطيع فلا حجة له تقبل منه يوم القيامة في تخلفه عن طاعة الإمام فيهلك et celui qui n'obéit pas يوم القيامة il n'aura pas d'argument pourquoi tu as désobéi pourquoi tu n'as pas obéi pourquoi tu t'es rebellé c'est quoi ta preuve c'est quoi ton argument c'est quoi ta حجة فإن n'aura rien ربما ça peut être la cause de sa perte ici bas il peut se faire du mal Et كذلك se faire beaucoup de mal dans l'au-delà. Wa alhamdulillah. Fahada darsun muhim. Donc aujourd'hui, on a étudié ensemble le deuxième haq. Et c'est un des plus importants. Obéir et écouter le gouverneur. Et tout ça, bien sûr, sans faire du haram. Et كذلك, même si ce gouverneur est injuste, même s'il appelle à faire du haram, on ne l'obéit pas dans ce point. Et le reste, on lui obéit. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى نور أردني. le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné et كذلك pour préserver l'unité de la Ummah pour ne pas être la cause de l'effusion de sang et en espérant la récompense d'Allah سبحانه وتعالى. c'est du dîn. vous avez remarqué que ces points, si tu réfléchis comme ça, c'est très très simple. On a des preuves qui nous prouvent qu'on doit obéir. On a des preuves que celui qui obéit a une énorme récompense. On a des preuves que se rebeller c'est pas la solution. Tu réfléchis comme ça, alhamdulillah, il n'y a aucune contradiction, aucune ambiguïté, c'est clair. L'unanimité des savants, de Ahl Sunnah ala hada. Celui qui réfléchit avec les thèses complotistes, mais tel gouverneur, il a fait, tel gouverneur, il est en lien avec telle chose. Wallahi, il y en a ces thèses complotistes, c'est une des plus grandes causes qui a poussé Fikr al-Khawarij. Fantabihu. On n'a pas besoin, nous, de tel humoriste ou tel madri min al-juhal qui... Certains, beaucoup, ils suivent des kuffars. Kuffara mujrimoun. Ils ne se prosternent pas pour Allah Azza wa Jalla. C'est lui qui va t'apprendre comment te comporter avec ton gouverneur. Vous avez remarqué que cette thèse complotiste, beaucoup ça tourne autour des gouverneurs, des autorités. Mais les autorités des pays musulmans et des pays arabes, elles n'ont aucun point. La première chose qu'ils vont te faire, c'est te te montrer qu'ils n'ont aucune légitimité. Et un tas, tu ne respecteras plus et des choubères dans ton cœur. Moi, tu auras du mal à comprendre l'aqidat al-salaf. Pourquoi certains ils ont du mal à comprendre l'aqidat al-salaf ? L'aqidat al-salaf, elle a besoin d'un cœur qui est prêt à l'accepter. Mais ce cœur, s'il est plein d'ambiguïté, et les théories du complot, ils ont dit, ils ont fait, ils vont faire, tout le monde est à la solde des juifs, et min hadha al-kalam, Robama, ce cœur, il devient malade. Il n'a plus de place pour aqidat al-salaf. Certains, tu leur cites les ijma' qu'on a cités, l'unanimité, depuis l'époque des compagnons jusqu'à aujourd'hui. Les imams, ils sont tous à la hadha. Tu trouves, il ne peut pas. Le cœur, ayyadam billah, il est malade, khalas. Fallait, on doit faire attention, nettoyer ce cœur, apprendre cette aqidat, et kadalik, fermer la porte aux ambiguïtés. Tu n'as pas besoin des thèses complotistes. Tu reviens au savant de la sunna. Tu as besoin d'un mujrim, un kafir, il te montre anna les juifs ils font du mal. C'est cité dans le Coran Karim. Les juifs ils font du mal, et kadalik, c'est ceux qui appellent à cette thèse complotiste, c'est des kuffars, certains c'est des athées, kadalik, ils font du mal. Lakin hum, ils essayent de mettre tout sur eux, essayent de te montrer que le mal c'est un tel pour te manipuler, thumma te faire perdre ta foi, cette voie azim, la voie des salafs. Dans ce point concernant les gouverneurs ou autres, فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات للجميع ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين